Kiss on Beats Productions. Tu veux être connu, tu veux du buzz, non c'est pas facile. 6-9-2 sans les maillettes, je fais tout à domicile. Par jeu d'après leur humeur, m'en vrai t'es dominé. Par une mise ou par des choses qui sont subliminaux. Tu fais ça mais tu dis tout, y'a rien qui aboutit. Tu prends 100 G, t'en fumes 50, celle-là c'est pour Biggie. À cette allure, on avance pas, on reste loin du million. Mais toi t'es tout périmé, nous sous dons Pérignon. Dans la ZUP, y'a des coins, ils sont tout minés. Tête cramée 10 ans avant, ils étaient tout mignons. Rebenga, ça crie fort quand y'a des bleus qui passent. Robelock, ça se réveille, ça retourne au charbon. Du gamin, c'est sur béton qu'on s'est fait les dents. La dégaine à l'ancienne, y'a pas d'élégance. Dans ton dos, ça te ramène, ils sont comme ça les gens. Si t'en fais trop, ça t'allume, ça nique toi et ta chance. À peine 6 ans, ça parle de shit, ça veut des gros tétés. Ça insulte toute la police et leur jour JTT. Dans la street, y'a des poucas, mais bon, nous, c'est tout. Si snap, c'est les apes, et si tu hawes, ici, y'a tout. On écoute, toi-même, tu sais, dans nos têtes, c'est le zoo. J'ai des couilles et je peux te mettre ben au fond dans ta bouche. Pour les bateaux, tous mes harbis au regard louche. 3-5-7 dans le but, ça là, c'est pour mon cas louche. Je me vois bien quitter la France quelques jours dans les îles. Mais là, je repars à zéro, j'attends le big deal. Gros vaillant jusqu'à la mort comme le gros Big Ben. Aucune peine pour toutes ces mouilles, je dirais jamais mes skins. Je dirais jamais mes skins. Un poteau pour un pépin, il t'esquive. Je crois qu'il nous sous-estime. Je crois qu'il nous sous-estime. 2019, on arrive fort, il arrive le projet. Plein d'efforts, mais mon talent, je pas à l'apogée. À la vôtre, les jaloux, bientôt c'est l'agonie. Merci ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là depuis ma folie. Un petit secret, c'est une tu raves ta belle or. Jamais là, le voyage calme Marbella. C'est pas gentil pour les frères, c'est pas fastoche. Et oublie tout ce qui se passe, sous boîtier amnésia. C'est toujours la même merde, ça se passe en 4 ans. C'est toujours la même routine là-bas en 4 murs. Aucune ambition dans le crâne, y'a pas un seul plan. Un seul but en tête, faut ça nique, tout ça rap dur.